J'gratte des lignes quand j'ai pas le moral. C'est ma dope quand d'autres ont mis des lignes sous leur anorak. À l'oral, j'crie ma peine, mal au crâne, j'brise la tête. Y'a l'orage qui m'appelle dans 2 grammes, j'quitte la terre. Besoin de m'évader, envie d'arrêter le temps. Tiraillé entre taf et détente, ce qui se trame est étrange. L'avenir se ternit à chaque pas, et v'là le bad. Y'a eu du chemin depuis les clips en chapka. De l'eau a coulé sous les ponts depuis l'époque où le gros rap est pas dans les temps. On a pris des tartes dans les dents et des tacs dans les jambes. On s'est relevé, on a rien dit, on a ramé pour un radio. On a tout cramé dans la cabine, la chronique mon pote. Du boom bap dans le sang, une vodka dans le froc. Un foutoir dans le centre-ville, ça sent venir, on sent venir la mort. Tu vas pas devenir un homme en faisant la merde, en faisant souffrir ta mère. Ça tourne, la tisse monte à la tête. Les cœurs se déchirent quand les corps se déchaînent. Ouais cours, vas-y cours à ta perte. Tout ça me rappelle qu'il faut le courage l'admettre. Ça tourne, la tisse monte à la tête. Les cœurs se déchirent quand les corps se déchaînent. Ouais cours, vas-y cours à ta perte. Cours à ta perte, vas-y cours à ta perte. Gratte des lignes quand j'ai pas le moral. Y'a l'orage qui m'appelle. L'avenir se ternit à chaque pas. Ça sent venir, on sent venir la mort. Une nuit de plus à traîner seul en ville. Tu me trouveras là là-bas. Je dérive dans les rapides, crée mutinerie, seul à la barre. Des vieux rafio, la coque rouillée, des fantômes entre les cales. Touche au trésor, tu te feras bouiller, on te fera faire le grand écart. Les murs sont gris, il pleut des gorges parce que des scars la triste, mec. Des papas rongés par la tisse, parti au paradis. Hey. Moi je suis là perdu entre deux eaux, j'ai bu la tasse, ouais. Rime petit bâtard qui tape la prod comme une piñata. Hey. Besoin de personne, je partirai seul comme le vent des globes. Pendant que tu t'envoyais en l'air, je m'envoyais dans le décor. On se retrouve sur les toits, une dernière nuit à la belle étoile. Quitte le navire, moi je préfère mettre les voiles. Besoin de tourner la page, trouver la paix, de gratter la paye, besoin de calmer la rage, marier la belle, combler la peine. Mais ici très peu s'en sortent, j'parle à ma taille quand je me sens seul. Tu sais la vie c'est l'ascension, attends pas qu'on te renvoie l'ascenseur. Ça tourne, la tisse monte à la tête. Les cœurs se déchirent quand les corps se déchaînent. Ouais cours, vas-y cours à ta perte. Tout ça me rappelle qu'il faut le courage l'admettre. Ça tourne, la tisse monte à la tête. Les cœurs se déchirent quand les corps se déchaînent. Ouais cours, vas-y cours à ta perte. Cours à ta perte, vas-y cours à ta perte. Autant le vent l'emporte, je quitterai le navire un soir de plus battant. J'ai plus 20 ans, t'as peur de vivre, moi c'est plutôt de ce qui m'attend. Je vais stick un temps, mes vieux démons, quelques me gratte dans le sang. Mes yeux s'estompent, une part de moi avec tous mes gras dans le sang. Ma tête une garde de gang, lutter c'est perdre de temps. Enfile une paire de gants, ça frôle la mort sur un deux temps. Le doigt sur la détente, l'avenir en joue, le mal un jour s'écarte. Un flash couleur étrange, me rend mal à tous les soirs. Ça tourne, la tisse monte à la tête. Les cœurs se déchirent quand les corps se déchaînent. Ouais cours, vas-y cours à ta perte. Tout ça me rappelle qu'il faut le courage l'admettre. Ça tourne, la tisse monte à la tête. Les cœurs se déchirent quand les corps se déchaînent. Ouais cours, vas-y cours à ta perte. Cours à ta perte, vas-y cours à ta perte. Perdu entre deux eaux, j'ai bu la tasse. Les murs sont gris. Flash couleur étrange, me rend mal à tous les soirs. Les cœurs se déchirent quand les corps se déchaînent.